إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوه حق تقاته واتقوه في أفعالكم وأقوالكم وأعمالكم وفي قلوبكم وجوارحكم تدبروا كتاب ربكم تفلحوا واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تهتدوا عباد الله إن المسلم حينما يتدبر كتاب ربه يقوده لكل خير ويحميه من كل ضير عندما تتدبر كتاب الله أيها المؤمن بإمعان ونظر وتعمق وبصر تجده قد قسم الخلق إلى قسمين وصنفهم صنفين صنف من الذاكرين الذين يجدون في ذكر الله راحتهم وأنسهم وانشراح صدورهم وطمأنينة قلوبهم وصنف من الغافلين الذين نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم والعياذ بالله وتجد القرآن إذا تحدث عن الذاكرين أفاض عليهم من علامات الرضا والقبول وأثنى عليهم الثناء الجميل أما الغافلون فإن القرآن يندد بهم ويهددهم وينهى عن مخالطتهم ومجالستهم ويصفهم بالخسران المبين والذل المهين يقول سبحانه وتعالى في وصف الغافلين عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ويقول تعالى واستحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ويقول تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ويقول تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا يا لها من خسارة فادحة إن الغافل عن ذكر الله قرينه الشيطان وحزبه حزب الشيطان ونهايته الخسران والعياذ بالله أما الذاكرون لله فإن الله وصفهم ووصف لنا حالهم ومآلهم وحثنا على اللحاق بهم والاتصاف بصفاتهم والانتماء إليهم فهم المهتدون الخاشعة قلوبهم لله المطمئنون الآمنون المتوكلون على ربهم أهل الفلاح والصلاح الموعودون من الله بالمغفرة والأجر العظيم يقول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويقول تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ويقول تعالى والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما هذا بعض ما نوه الله به من الفضل للذاكرين وبيان ثوابهم ورفيع منزلتهم. ومن أجل نعم الله على عبده أن الله جل وعلا يذكر من ذكره في نفسه ويذكره إذا ذكره وهو في ملأ من الناس. فإن ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه وإن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم، كما جاء في الحديث القدسي الذي يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله سبحانه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، كما جاء ذلك في الصحيحين رواه البخاري. ومصداق هذا الحديث قوله عز وجل: فاذكروني أذكركم. عباد الله، إن كل مؤمن ومؤمنة ممن فتح الله بصيرته ونور سريرته يتطلع إلى أن يكون من بين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حتى يتم له ذلك الفضل العظيم والثواب الجسيم. ولكن من أراد أن يتم له ذلك فليتصف بصفاتهم، فإن للذاكرين صفات ينبغي لنا أن نتصف بها ونتحلى بها ولنكون منهم. أما الأماني فقط بدون عمل فهي لا تجدي شيئا، بل هي من علامات الخذلان وأماني الشيطان. فتأمل صفات الذاكرين واعمل بها لتكون منهم. فالذاكرون الله كثيرا هم الذين تخلصوا من رق الغفلة وذهول النسيان. فذكروا الله بأسمائه وصفاته، ذكروا الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في كل مناسبة وفي كل آن، وأثنوا على خالقهم ورازقهم بما له من صفات الكمال ونعوت الجلال، واعترفوا بحكمته في جميع الأفعال والأحوال. وهم الذين إذا واجهوا الفحشاء والمنكر ذكروا الله فاجتنبوا الفاحشة ولم يقربوا الحرام، وإذا فرط منهم سوء بادروا إلى التوبة والاستغفار ولم يصروا على ما فعلوا غير مسوفين بتوبتهم ولا منتظرين مرور الأيام والشهور والأعوام. يقول تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عباد الله، الذاكرون الله هم الذين إذا شاهدوا آية من آيات الله في السماء أو في الأرض ذكروا الله فوقفوا عندها وقفة تدبر وإمعان ونظر واعتبار، مثنين على قدرته وحكمته أجل ثناء. يقول تعالى: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذاكرون الله إذا أصابتهم حسنة ذكروا الله حامدين شاكرين، وإن أصابتهم مصيبة ذكروا الله محتسبين صابرين ينتظرون من الله الفرج والأجر. الذاكرون الله هم الذين لا تزال ألسنتهم رطبة بذكر الله مهما كانت أعمالهم ومهما ترقت درجتهم في الغنى والنفوذ أو الجاه أو الصحة والعافية. يقول تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الذاكرون الله إن ذكروا ربهم في الخلوة فاضت أعينهم خوفا من الله وخشية من الله، وإن ذكروه في ملأ لم يشغلهم الحاضرون عن ذكر الله في ألسنتهم وقلوبهم. الذاكرون الله يذكرهم ذكر الله بالمحافظة على عبادتهم وأوقاتها وأدائها على وجهها. ذكر الله يبعدهم عن المعاصي والذنوب والغفلة واللهو وأكل الحرام، وعن الوقوع في أعراض الناس، وعن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم أو أذية الناس وأذية عباد الله المؤمنين. ذكر الله يكون سياجا للمؤمن يحميه من المخالفات، ويسهل عليه أداء العبادات، ويعينه عند النوازل والأزمات. فاتقوا الله عباد الله، واسألوه الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإن ذكره وشكره من أفضل الطاعات وأجل العبادات وأنفع القربات، ولا يحتاج إلى جهد بدني، فقد يسره الله على كل من وفقه لذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري. ويقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالذكر إذا تواطأ عليه القلب واللسان من أجل القربات، وقد ندب الله له مطلقا ومقيدا، وأمر به مؤقتا ومؤبدا، وربط الفوز والفلاح به في الدنيا والآخرة، كما نهى سبحانه عما يناقضه من الغفلة والنسيان، وأنذر وحذر الغافلين عنه والناسين له بسوء العاقبة ومنتهى الخسران. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Serviteur d'Allah, craignez Allah, cherchez une protection contre Allah subhanahu wa ta'ala et contre son châtiment. Et la seule protection que vous pouvez prendre contre Allah subhanahu wa ta'ala et son châtiment, c'est de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne et de vous écarter de ce qu'il vous a interdit. Et c'est ce qu'on appelle at-taqwa. Et donc faites preuve de taqwa envers Allah subhanahu wa ta'ala, et préservez-vous de lui contre son châtiment par vos actions, vos paroles et vos actions, et également par vos cœurs et vos corps, et méditez et réfléchissez sur le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui vous donnera le succès, et suivez la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que vous soyez guidés. Et sachez que le fait de méditer sur le livre d'Allah, eh bien ça guide le musulman vers tout ce qui est bon et tout ce qui est bien, et ça le protège de tout ce qui est mauvais pour lui dans cette vie et dans l'au-delà. Et lorsqu'on réfléchit et qu'on médite sur le livre d'Allah avec beaucoup de concentration et de méditation et de profondeur, eh bien on constate que Allah subhanahu wa ta'ala a divisé la création et il les a séparés en deux catégories. La première catégorie, ceux qui se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui font constamment le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala en eux-mêmes, et qui retrouvent dans le rappel d'Allah le repos, la sérénité, le calme, et dont les, ceux dont les poitrines s'ouvrent et le cœur s'épanouit au rappel d'Allah, et cela apaise leur cœur. Et il y a une autre catégorie qui est la catégorie des insouciants et des indifférents, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit en disant qu'ils ont oublié Allah et donc Allah les a oubliés. Et dans un autre verset, il mentionne ce qui signifie qu'ils ont oublié Allah, alors Allah les a fait s'oublier eux-mêmes. Et tu retrouves dans le Coran beaucoup de descriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il décrit ceux qui se souviennent de lui et qui se rappellent constamment de lui. Et lorsqu'il parle de cette catégorie parmi les serviteurs, il mentionne à leur sujet l'agrément et l'acceptation, et il fait leur éloge de la plus belle façon, tandis que lorsqu'il parle des gens qui sont indifférents et qui sont insouciants et qui oublient Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on retrouve dans le Coran beaucoup de menaces à leur sujet, et Allah subhanahu wa ta'ala même nous interdit de les fréquenter ou de s'asseoir en leur présence, et il les décrit par la perdition évidente et l'humiliation au jour de la résurrection. Et donc lorsqu'il mentionne ceux qui sont dans l'insouciance, ceux qu'il a appelés al-ghafiloun, ceux qui sont dans al-ghafla, c'est-à-dire l'insouciance et l'indifférence vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son rappel. Et il dit à leur sujet ce qui signifie, et quiconque se détourne du rappel d'Allah, ar-Rahman, le tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que le diable a pris le dessus sur eux et les a fait oublier Allah et son rappel. Et ceux-là sont le parti d'Allah, et certes ceux-là sont le parti du shaitan, et certes le parti du shaitan, ce sont les perdants. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie de ne pas obéir à ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a rendu les cœurs insouciants à son rappel et qui ont suivi leur passion. Et il nous ordonne de nous détourner de celui qui se détourne de son rappel et qui ne veut que la vie d'ici-bas. Donc ça, c'est la perdition évidente, et c'est la chute et la faillite totale lorsque quelqu'un vit dans l'insouciance et dans l'indifférence. Et on vit malheureusement dans une époque, et on vit malheureusement dans une société qui a pour but unique de nous faire oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a rien de ce qui se trouve autour de nous parmi les distractions et les choses qui ont été placées sous nos yeux. Eh bien, on ne retrouve que des choses qui ont pour but de nous distraire du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'accomplissement du but et de l'objectif de notre création. On retrouve le rappel du shaitan au lieu du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça veut dire que pour nous, il est encore plus important de faire plus d'efforts pour se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute occasion et dans toute situation, et de faire partie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit comme étant ceux qui se souviennent de lui souvent et constamment, hein, puisque ce sont ceux qui sont les bien guidés, ceux dont le cœur est humble, ceux dont les cœurs sont apaisés et en sécurité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui mettent leur confiance en leur Seigneur, ce sont les gens du bien, les gens de la réforme, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il a promis le pardon et la grande récompense. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que les vrais croyants, ce sont ceux qui, lorsqu'ils se souviennent d'Allah, leur cœur frémisse, et lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Et il mentionne également à leur sujet que ceux qui sont croyants et qui ont le cœur apaisé au rappel d'Allah, certes, c'est le rappel d'Allah qui apaise les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit ceux qui se souviennent souvent d'Allah et qui se rappellent souvent d'Allah, constamment d'Allah, et il a promis pour eux et préparé pour eux un pardon et une immense récompense. Et donc ça, c'est parmi les mérites et les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné au sujet de ses serviteurs dans le hadith Qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: je suis tel que mon serviteur pense de moi. Je serai tel que mon serviteur, ce qu'il pense de moi. Je serai tel qu'il pense de moi. Et je suis avec lui lorsqu'il se rappelle de moi et lorsqu'il se souvient de moi. S'il se souvient de moi en lui-même, je me souviendrai de lui en moi-même. Et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée meilleure que celui-là. Et ça, c'est pour confirmer la signification du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Souvenez-vous de moi, et je vais me souvenir de vous. » Et donc, tout croyant, toute croyante à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la vue et la clairvoyance et a illuminé son intérieur, il souhaite faire partie de ceux qui se souviennent d'Allah constamment. Et il veut obtenir cette grâce immense de la part d'Allah et cette récompense. Et donc, pour faire partie de ceux qui se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il ne suffit pas uniquement de le souhaiter. Parce que si on se limite uniquement à espérer et à souhaiter, ce n'est pas suffisant. Il faut évidemment connaître les caractéristiques et les descriptions de ceux qui sont mentionnés comme étant ad-dhakirun, ceux qui se souviennent d'Allah. Et il faut également adopter leur comportement et posséder leurs caractéristiques dans le but de faire partie de ceux que Allah a décrits ainsi. Parce que si on se limite uniquement à l'espoir et au souhait, eh bien ça c'est insuffisant si on ne fait pas les œuvres nécessaires. Et donc, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme étant ad-dhakirun Allah, ceux qui se souviennent d'Allah et qui font le rappel d'Allah constamment, eh bien ce sont ceux qui se sont libérés de l'insouciance et de l'indifférence et de l'oubli. Et donc ils se rappellent d'Allah par ses noms et par ses attributs. Et ils se rappellent d'Allah en toute occasion et dans toute situation. Et ils font l'éloge de leur Créateur et de celui qui leur donne leur subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils mentionnent à son sujet ses qualités et ils font sa glorification et ses louanges. Et ils l'exaltent et ils le glorifient parce qu'il mérite des noms et des attributs de perfection. Et ils reconnaissent également la sagesse parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses actions et dans tous ses états. Et ce sont ceux également qui se détournent de tout ce qui est turpitude et de tout ce qui est péché. Et lorsqu'ils ont une tentation ou un désir de faire quelque chose qui est interdit ou de faire quelque chose qui est laid, ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et se détournent de cette turpitude. Et ils ne se rapprochent point de qu'est-ce qui est haram. Plutôt, ils se retournent vers Allah automatiquement et ils se précipitent vers la demande de pardon et la repentance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais ils tombent dans un péché quelconque, eh bien, ils se repentent et ils demandent pardon tout de suite à Allah subhanahu wa ta'ala sans attendre et sans tomber dans la procrastination de remettre la repentance à plus tard et de dire: je vais me repentir demain, je vais me repentir la semaine prochaine ou bien le mois prochain ou l'année prochaine. Et finalement le shaitan les trompe et leur donne de faux espoirs, parce que personne ne peut savoir quand la mort va venir. Alors tu ne dois pas remettre la repentance à plus tard, mais tu dois la faire aussitôt que possible. Approchez-vous. Taqarrabu qalilan barakallahu fikum. Tafassahu yafsahillahu lakum. Donc lorsque le croyant, il tombe dans un péché quelconque, eh bien il ne reste pas, continuer à persister dans ce péché-là, mais plutôt il cherche à se repentir le plus tôt possible. Également, ceux qui se souviennent constamment d'Allah, ce sont ceux qui, lorsqu'ils sont témoins d'un parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, dans les cieux et sur la terre, eh bien ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils réfléchissent et méditent sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils témoignent de sa toute puissance et de sa sagesse dans tout ce qu'il a créé autour d'eux. Et il s'émerveille de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa toute puissance et de sa sagesse dans tout ce qu'il a créé autour de nous et même en nous-mêmes et dans les animaux et les plantes et les arbres et les astres et le ciel et tout ce qui nous entoure. Tout ça c'est à la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça devrait être un moyen et une cause pour se souvenir d'Allah encore plus et de continuer à le glorifier encore plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne de dire, « Oh notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, alors préserve-nous du châtiment de l'enfer. » Et lorsque les gens qui se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala sont touchés par un bien quelconque, ils glorifient Allah et le remercient. Et lorsqu'ils sont touchés par un malheur quelconque, ils se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils font preuve d'endurance et de patience en espérant d'Allah la récompense et la délivrance. Également, ceux qui se souviennent d'Allah, ils gardent toujours leur langue humide par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe l'action ou le travail qu'ils font. Même lorsqu'ils sont occupés par des choses de la vie, que ce soit le travail, le commerce ou autre, ils se rappellent d'Allah en eux-mêmes et leur langue continue à mentionner la gloire d'Allah et les glorifications d'Allah. Ils ne se laissent pas distraire par les choses de la vie. Et parmi ceux également que Allah a décrits comme étant ceux qui se rappellent d'Allah, eh bien, il mentionne que ce sont ceux qui, lorsqu'ils sont seuls et qu'ils sont dans un endroit où ils sont isolés avec personne autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ils se souviennent d'Allah et leurs yeux se remplissent de larmes par crainte d'Allah et par crainte de son châtiment. Et lorsqu'ils se rappellent, lorsqu'ils sont avec d'autres personnes, ils ne sont pas distraits de se rappeler d'Allah également. Qu'ils soient seuls ou qu'ils soient en public, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de se rappeler d'Allah constamment, eh bien ça fait en sorte qu'ils se rappellent également de leurs obligations et de leurs responsabilités et de leurs devoirs religieux. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala même il dit « Wa aqimis salata li dhikri » « Établissez ma salat pour mon rappel ». Donc même la salat est un rappel. La récitation du Coran est un rappel. Toutes ces choses-là font partie du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le dhikr, c'est une des plus importantes parmi les différentes formes d'adoration que le croyant ne doit jamais négliger. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que les vrais croyants, ils se rappellent d'Allah lorsqu'ils sont debout, assis, et lorsqu'ils sont allongés aussi, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes les occasions. Et même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné des rappels à dire pour chaque moment de la journée, pour chaque situation de la vie, que ce soit avant de manger, après avoir mangé, avant de s'habiller, lorsqu'on rentre à la mosquée, lorsqu'on sort de la maison, lorsqu'on monte dans la voiture, lorsqu'on va au marché, lorsque quelqu'un fait ses rapports même intimes avec son épouse, il y a un rappel à dire, pour chaque situation et chaque occasion de la vie. Ce qui fait que le vrai mu'min qui s'accroche à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il reste en constant rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, alhamdulillah, le rappel d'Allah, c'est comme tous les autres aspects de l'islam. Il doit être fait selon l'exemple de la sunna et non par des innovations et des égarements et des bid'ah, hein, comme les soufis qui prétendent faire le rappel d'Allah. Mais en réalité, ils ne font pas le rappel d'Allah. Ils font ce qui est bid'ah dans la religion, une innovation. Parce qu'ils rajoutent dans leur, ce qu'ils appellent le dhikr, des instruments de musique, des tambours, de la danse, des mouvements et toutes sortes d'autres innovations que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais non plus appliqué. Et la même chose aussi, hein, dans ce que les sahaba ont fait. On n'a jamais vu les sahaba faire le dhikr de cette façon. Donc, le dhikr, ça fait partie fondamentale de l'islam et ça fait partie des plus grandes formes d'adoration, mais à condition qu'on le fasse de la manière qui est en accord avec la sharia d'Allah et en accord avec la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais de ne pas inventer ou innover des choses dans la religion d'Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.